pot paille, cocktail et glace, en vue sur la mer depuis le salon de la maison. Bigo mode avion, je vais skier les poisons. Rosette sur transat normal, c'est la saison. Je te parle de Marbella à Miami. Je vous laisse pas. Soirée enchaînée, ouais, c'est ça l'idée, hey. Plus le temps, les messages, c'est terminé. Pina colada, moi, faut m'oublier.